certaine souffrance. Pleine de mélancolie et le mal du pays, elle voulait revoir. Elle voulait revoir, revoir sa Normandie. Amour lyrique d'une vache déracinée et d'un prisonnier de guerre abandonné. Un militaire au look psychédélique, elle voulait revoir. Elle voulait revoir, revoir sa Normandie. Et les yeux bouillés au LSD, la Normande nous broyait du décaillé. Et sa prophète bourrée d'antidépressifs, elle voulait revoir. Dans son studio au doux museau, une vache allée, yeah yeah yeah. Et c'est pas tout, brigadier. Un phoque dans son